Les 6 et 7 courons ont eu lieu à Wonsan, province du Gangwon, les compétitions sportives nationales des enfants des orphelinats. Y ont assisté les officiels intéressés et les orphelins de Wonsan. Les enfants des orphelinats de tout le pays se sont disputés dans 10 disciplines, notamment basketball, volleyball, lutte coréenne, course de 100 mètres, etc. L'équipe de la province du Gangwon s'est placée première au classement général. Les meilleures équipes ont été primées.